Je crains le jour où elle m'enlèvera mes parents. Même si face à la faucheuse on doute plus, on devient savant. Hâte du jour où je ressentirai plus la carence. Mais pas le temps, sur l'échec et les guerriers j'avance. Un conflit sans fin. Je redoute le jour où je reverrai un pote en quatre planches, la face blanche, serrer les poings. J'ai pas peur de la mort, mais de ce qu'elle pourrait faire au mien. Continue la danse, y'a plein de choses que je crains. Je les noie, les bulles gonflent, pas de complaisance. Je les maintiens dans le bain jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Je donne tout ce que j'ai, pas de connivence. Tout sur la table comme un condamné face à la mortelle sentence. Comme un toc sans blanche, comme quand l'embrouille s'enclenche. Je redoute le jour où moi et les miens on pourra plus contrôler notre violence. Hâte que ceux qui nous l'ont infligé payent le prix fort de la vengeance. Et je trace sans regret, slalom les obstacles, évite les frontaux. Saute les tacles, mais je me prends quand même des poteaux. Gérer mes manques et mes craintes, je l'ai appris avec ce que je fais. J'ai mes propres projets, je fais avec ce que j'ai. Je trace sans regret, slalom les obstacles, évite les frontaux. Saute les tacles, mais je me prends quand même des poteaux. Gérer mes manques et mes craintes, je l'ai appris avec ce que je fais. J'ai mes propres projets, je fais avec ce que j'ai. Deuil pour deuil, bon pour don, crève un œil. Bête de dents, plus de gentillesse face à ceux qui oppressent. Plus de perte de temps sur plus de moments décevants. On laissait place à des textes crus décelant la dureté de ce temps. Je redoute le moment où je deviendrai fou. À force de pression, on finira tous par tirer dans la foule. Retourner à l'aspect de poudre, finir sous la foudre. Je crains le jour où j'aurai perdu le fil, plus rien pour recoudre toutes ces blessures. Résoudre toutes ces mauvaises coupures qui recouvrent mon film sous ma hive. J'ai peur du jour où pour le raconter j'aurai plus de salive. Hâte de retrouver le soleil marre des heures tardives. Que ça se retombe contre eux, que la peur les prive. Que la terreur les porte à la dérive. Je crains plus la chaleur de l'enfer que le froid de cet endroit. Mais après le trio, ce que je redoute et c'est moi. Sans regret, slalom les obstacles, évite les frontaux. Saute les tacles, mais je me prends quand même des poteaux. Gérer mes manques et mes craintes, je l'ai appris avec ce que je fais. J'ai mes propres projets, je fais avec ce que j'ai. Je trace sans regret, slalom les obstacles, évite les frontaux. Saute les tacles, mais je me prends quand même des poteaux. Gérer mes manques et mes craintes, je l'ai appris avec ce que je fais. J'ai mes propres projets, je fais avec ce que j'ai. DJ Impact, 2-3, acoustique, 31 Toulouse, Omerta musique.